C'est possible que le monde est mauvais. Mais comment voulez-vous qu'on fasse alors? Si on fait le banquet le soir du 24 janvier, la moitié du village et le ministre en tête nous disent qu'on dénature le sens de la fête et que ci et que ça. Si on n'en fait point, voilà les autres qui disent que c'est pas assez solennel. Mais l'an passé, j'ai fait le discours moi-même. On m'a trouvé à redire que je me montais en épingle. Et alors cette fois que je fais venir un orateur de Lausanne, en voilà encore qui trouve que ça ne va pas. Enfin, dis-moi, graviste, toi qui es tant fort pour la critique, comment est-ce qu'il aurait fallu faire? Ne t'emballe pas, Saïdic. Je t'ai dit mon avis, un point c'est tout. Si le jour d'une fête de l'indépendance, on ne peut même plus dire ce qu'on pense, eh ben, à moi la peur. Ce qu'on pense, on peut toujours le dire. Mais quand on fait toujours exprès de penser autrement que les autorités, c'est du mauvais esprit. Et moi, je te dis, Saïdic, que s'il y en avait seulement un quarteron de ta sorte, eh ben, on serait mûr pour la dictature. Allons, monsieur, allons, vous n'allez pas vous empoigner à propos de la fête du 24 janvier. Ce serait mal placé. Ouais, c'est vrai, ça. C'est comme avec ce chemin du vallon. T'aurais pas pu nous le dire avant que tu voulais l'élargir, au lieu de s'amijoter tout seul, que personne n'a même pu donner son avis. Son avis, puisque tout le monde était d'accord. Mais raison de plus. C'est ça. J'aurais dû en parler, hein, pour que ça transpire, et que la barre d'Otiolu me lance une proposition dans les jambes au conseil général, et qu'alors j'aurais eu l'air d'avoir la main forcée, et que tout le mérite aurait été pour eux. Voilà, vous l'entendez, monsieur le régent? Il faut que ce soit lui qui ait tout fait, ça me sent, rien ne va. Et avec ça que tu fais autrement, toi. Quand vous avez reçu à la commission scolaire la circulaire pour le 1er août congé, est-ce que oui ou non tu l'as gardé dans ta poche? Ça va faire connaître à la municipalité qui était pourtant compétente. Oui, mais... Pas de mais qui tienne, hein, pas de mais. Parce que les jours après, tu courais pas par le village en disant « C'est nous, à la commission scolaire, qu'on a décidé ça tout seul. Est-ce vrai ou pas ?» Cette histoire. Cette histoire, je la tiens de la femme au Justin qui a su que tu l'avais dit au grand loyer des Paquis, qui l'a rendu à son frère. Si tu vas te mettre à écouter les carcans de la femme au Justin, une gaillarde qui s'est mariée sans un sou placé... Ici, messieurs, j'interromps. L'autorité, voyons, soyez raisonnable. Ma parole, quelle mouche vous a donc piqué ce soir? Quand je pense que notre demi est en train de chauffer sur la table. Une onde de sang. Oh, c'est pourtant vrai. Santé, monsieur le raisin. Santé, monsieur le raisin. Santé, messieurs. Et vous, vous ne trinquez pas? Comme des enfants, alors vous boudez. Santé. Santé. Vous avez pourtant raison, monsieur le syndic. Le nouveau peintier a un fameux vin. Ah, rien à dire. Sale nez. Ouais, mais bon. Santé, syndic. Sacré gaviste, quelle tête. Sacré syndic. Voilà, ça y est. M'étonne comment il faut dans les pays où il n'y a pas tant de vignobles quand ils ne sont pas d'accord. La moindre niaise doit durer des mois. Il n'y a qu'à lire les journaux, c'est plus vrai que tu ne crois. Alors, gaviste, maintenant que tu es remis. Je suis remis. Et on parle pour toi? Je suis là que j'arrive tout gentiment et que tu m'azores en me traitant de mauvais esprit. Enfin, oui ou non? Et c'est moi, ouais, c'est toi qui fais vinaigre à propos de cette conférence? Mais diable, me brûle! Est-ce qu'on n'arrivera pas à dire ça au mot, ce que tu appelles ça faire vinaigre? Non, ça ne va pas recommencer. Ou alors, moi, je m'en vais. Mais c'est ça, entend, ça vaudra mieux. Je crois que c'est encore ce qu'on a de meilleur à faire. Parce que si c'est pour se prendre de bec, eh bien, on est mieux chez soi. On a plus l'habitude. Santé. Santé. Santé. Ouais. Alors, voilà. Ce sera pour une autre fois. Ouais. Avec... Bien sûr. Voulez-vous qu'on y fasse? Allons-y. Ouais. Allons-y. Vous êtes pressé, régent, quoi? Non, pas plus que ça, mais... Et puisqu'on y va. D'accord, mais on va pas se quitter comme ça. Ça refaire un demi. J'aurais mauvaise face, ça. Mais ça te dérange pas au moins que je reste à la table? Oh, c'est comme tu voudras. Hein? Moi, tu comprends. Mais rien t'a envie de rentrer tôt ce soir. Ma femme a eu la lessive. Alors c'est plein de courant d'air à travers la maison. Oh! T'as gagné. Pourquoi ne nous as-tu pas dit ça tout de suite? On t'aurait pas tant chatouillé. Un jour de lessive, diable. On comprend que tu as envie de trouver quelqu'un qui soit d'accord avec toi. Ça n'a pas dû t'arriver si souvent pendant la journée. Dis donc, tu te rappelles à propos du discours, la fois qu'on avait dû faire l'assemblée radicale au café. Ah oui, oui, attends voir, c'était quand on réparait la grande salle. Juste. Je me souviens vaguement. C'est ce pas pour un vote fédéral, le gueule, c'est quoi? Oh, m'en rappelle plus. Mais ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que dans ce vote, les agrariens étaient contre, tandis que nous, on était pour. Est-ce qu'ils étaient nombreux en ces temps-là? Oh que non! C'était les mêmes qu'aujourd'hui. Ils étaient trois. Ben voilà. On faisait notre conférence au café, alors. Pas question d'empêcher qui que ce soit de venir au café pendant les heures d'ouverture. Afin que je vais vers les gaillards, je leur explique. Et ils me disent, t'inquiète pas. Nous, on ira au café si ça nous fait plaisir, mais ce n'est pas à votre conférence qui veut nous gêner. Même que l'Alcide du bas de four a ajouté. Tu comprends, si on devait se formaliser pour toutes les bedoumeries qui se disent à la fête, ça serait à devenir tempérant. Afin que la conférence arrive, j'introduis le conférencier. Et qui est-ce que je vois au beau milieu de la salle? Tiens, cette table-là. Mes trois gaillards en train de faire un yass. Je les regarde et l'Alcide me dit, « Va, t'inquiète pas, on ne fera pas la contradiction. Faites comme si vous étiez entre vous. Et ils sont restés jusqu'à la fin? Oh, jusqu'à la fin des fins. Et que toute la soirée, ils ont fait leur poutre. On entendait comme ça le conférencier qui disait, « Et malgré les tentatives démagogiques de l'opposition, Stock, que criaient les autres à ce moment, ou sans les mâmes. Enfin, le s'entendre. Ce pauvre diable de conférencier était tout mal à sa guise. Et nous, on riait sous cap, que ça a été un rude soulagement quand ça a été fini. Et on n'a pas pu constater si cette opposition larvée avait eu de l'effet sur la votation. Pas plus. Ça n'est pas à ces conférences que se fait une opinion. Oh, par Dieu, non. Sauf que des fois, ils nous envoient de tels bedins qu'on a envie de changer d'avis pour ne pas être d'accord avec eux. Ben, je vous vois revenir, Cavis. Décidément, vous n'aimez pas les conférenciers de Lausanne. Eh bien, non, je le Je les aime pas. Oh, je sais que des fois, on ne peut pas s'en passer quand il s'agit d'expliquer une loi fédérale. Ben, c'est entendu, un avocat fait beaucoup mieux l'affaire qu'un paysan ou qu'un vigneron. Puis des avocats, on n'en a pas tant par le village. Manquerait plus que cette sorte d'incouple. Ben, mon Dieu, ouais. Mais alors, comme aujourd'hui, là, pour une fête patriotique où il n'y a pas tant besoin de connaître les lois, je trouve que c'est une erreur de faire venir un orateur étranger. Enfin, étranger, tout de même. Un qui n'est pas d'ici, quoi. Mais au fond, qu'est-ce que tu leur reposes dedans? Tout et rien. Mais pas celui qu'on a eu ce soir. Mais il était excellent. Ah ouais, tout ce que vous voudrez. Je remarque que c'est un tout brave, puis intelligent, puis du bon bord et tout. C'est pas de sa faute s'il cause comme ça. Il fait comme on lui a appris. Mais moi, c'est plus fort que moi, cet accent de Lausanne, je peux pas s'entendre. Oui, ous, ça me fait grimper les murs. Alors, celle-là, elle est bonne. Quoi? Quoi bonne? Mais tout le monde ne peut pas avoir l'accent vaudois. Mais il ne s'agit pas d'accent vaudois. Il pourrait avoir celui de Marseille ou même celui de la Chaux-de-Fonds. Mais bon, des accents naturels, quoi. Tandis que cette manière qu'ils ont de causer en ville, je sais pas où ils vont s'en chercher. On sent qu'ils se retiennent tout le temps la bouche, hein? Ça s'est retient à parler ou quoi? Probable, entre les repas. Oui. Ben bon, alors pourquoi est-ce que ces gaillards viennent vous parler avec la bouche à demi fermée? Est-ce qu'ils ont peur qu'on leur vole leur dent nord? Oui, alors est-ce qu'ils ont une mauvaise haleine ou la conscience pas tranquille? Eh ben c'est pas naturel. Et puis ces petites manières, la liberté. Est-ce qu'on est en Angleterre ou quoi? Et puis son début. Il nous apporte son salut patriotique. Tic, tic. Quand on n'a pas la couette de finir ces mots, on ne donne pas des conférences. Que non, caviste, tu t'emportes. Celui de ce soir, il n'avait pas tant d'accent que ça. On s'y habite vite. Et alors, il faut reconnaître qu'il trouvait ces mots qu'on n'emploie pas tous les jours. Mais c'est justement ce qui m'énerve, moi, ces grands mots qu'ils emploient avec cet air de vouloir nous en apprendre. As-tu entendu comment il appelait les Ruclans? Les Ruclans? Il a parlé des Ruclans? Quand il parlait de la récupération, quoi? Oui, juste. Mais il t'a trouvé un de ces mots. Vous garantis que c'est du latin? Mais quand même. Mais quand oui. Même, oui. Comment est-ce qu'il disait? Ah oui. Les détritus qu'il disait. Détritus. Un ému comme un pou. Je vois qu'à vice qu'on n'arrivera pas à vous convaincre. Chacun ses goûts, comme disait l'autre, donnant un baiser à son bouc. Justement. Et pour nous mettre bien d'accord, moi je vous propose qu'on chante quelque chose de bien patriotique là, qui sonne bien, qu'on puisse y aller carrément sans avoir besoin de se retenir. Oh, voilà, bonne idée. Ouais, mais quoi? Oh ben voilà une question. Le 24 janvier au soir. Et puis que dans ces lieux, Pardine. Eh ben alors c'est. Pour toi, un nouveau jour se lève, il porte la joie en nos cœurs. La liberté n'est plus un rêve, les droits de l'homme sont vainqueurs. De notre antique dépendance, chassons l'important souvenir. Et du plus riant avenir, osons concevoir l'espérance. Que dans ces lieux règne à jamais l'amour des lois, la liberté, la paix. Car bien dans ces lieux règne à jamais l'amour des lois, la liberté, la paix. Ah, quelle belle chose que le chant. Ça vous donne une de ces convictions, là? Oh, pardieu, je vous garantis qu'on est convaincu, même quand on ne chante pas. Tant que ça. Écoutez, ouais, c'est anarchiste, tant que ça. Bien sûr, tant que ça. Eh bien, moi, je n'en suis pas si sûr. Ou alors, c'est que vous cachez votre jeu pendant le reste de l'année. Au diable veut-il en venir? À l'amour des lois. Entre nous, hein? L'amour des lois, ça n'est quand même pas votre trait le plus caractéristique, franchement. Sacré gaillard, voyons voir ça. Tu les aimes, les lois, campistes? Ça dépend. Et toi? Moi, ben, au fond, bien sûr, je suis pas contre. Non, contre, je ne suis pas. Mais pour? Ah, pour. Il y a du pour et du contre. C'est ça, voilà. Il y a du pour et du contre. Ben, comme dans tout. Tous les temps ne sont pas de notre côté, il faut le dire. On voudrait bien les aimer, les lois. Seulement, elles ne sont pas toujours bien aimables. C'est-à-dire qu'elles sont comme les femmes. Comme les femmes? Oui. Il y a une rude différence avant le mariage et après. Avant, elles sont toutes douces, elles expliquent, elles disent « on va faire ci ou ça » et puis on nous envoie de Lausanne des avocats qui vous prouvent que c'est juste. Ben, ça fait qu'on les prend. On s'habille du dimanche, on va voter « oui ». Et puis le soir, quand on apprend que la loi a passé, ben on fait une puissante verrée. Ouais, comme le soir des noces. Exactement. Seulement, c'est là que ça commence. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. On voit te appliquer une ordonnance, deux ordonnances. Un père d'arrêté d'exécution. Des circulaires. Des inspecteurs. Et c'est alors là qu'on se dit qu'avant d'aller s'engager, on aurait mieux fait de regarder d'un peu plus près l'objet de sa passion. Ah, c'est rude juste ce que tu dis là. Seulement, on les lit jamais jusqu'au bout. Mais t'as vu que si ceux qui font les lois mettaient le dernier chapitre au début, enfin, vous savez, ces fameuses dispositions pénales et d'application, ça nous ouvrirait les yeux. Pour sûr, comme l'autre qui disait que si les jeunes, au lieu de tant regarder leur fiancée, jetaient de temps en temps un coup d'œil sur leur belle-mère, il y en a bien qui resteraient garçons. Et au fond, aurait-il raison de rester garçon? Ma foi, non. Pardieu. Ce qui fait que, Régent, vous n'avez pas tant raison que ça non plus. Tout compte fait, eh ben les lois, c'est comme les femmes. On aurait tort de les croire sans défaut, mais on s'arrange de les supporter comme elles sont. Parce que c'est encore pire quand on en a point. Ouais. Ce qui fait qu'au fond, vous les aimez. Les femmes? Non, les lois. Oh, pour dire qu'on les aime. Ben non. Et on s'en accommode. On leur fait des sourires quand il y a du monde qui nous regarde. Et si on biaise avec, ben on s'arrange pour que ça ne se voit pas trop. Pour éviter des scènes de ménage avec les gendarmes. Évidemment que l'amour des lois, vous avez raison, Régent. C'est de ces choses qu'il vaut mieux chanter. Il faut de la jolie musique pour s'en faire passer. que dans ces lieux règne à jamais l'amour des lois, la liberté, la paix. Et que dans ces lieux règne à jamais l'amour des lois, la liberté, la paix. Ah, n'empêche que ça sonne rude bien, ça. Hein? Et c'est l'essentiel. Justement. Eh bien, alors, moi, j'en reviens à mes conférences. Ah, ça y est. Vous ne l'avez pas encore digéré, votre conférencier, caviste. Oh, ben, ce celui-là ou bien les autres. Mais quand on était jeune, les discours qu'on faisait pour les fêtes patriotiques n'étaient pas si compliqués que ça. On parlait de l'amour de la patrie, de Guillaume Tell, de Winkelried, de tout ce commerce, quoi. Ce n'était peut-être pas profond, pas historique, mais ça renflait bien. Et je vous garantis que ça vous remontait. Tandis que maintenant, il faut tout réapprendre chaque fois. Oh, là, je suis d'accord avec toi, caviste. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que ces professeurs nous ont compliqué les choses. Nous, hein, Guillaume Tell, on le voyait clair comme le jour, comme si ça avait été quelqu'un du village. Et son fils, et Gessler, avec une plume à son chapeau, comme dans les cortèges des fêtes des vignerons. Et puis voilà qu'ils sont arrivés avec leurs documents, leurs archives, leurs machines à couper les cheveux en quatre. Et au jour d'aujourd'hui, eh ben, il ne reste plus rien debout. Guillaume Tell, paraît que c'est un Suédois. Winkelried, il n'était pas à la bataille de Saint-Porc. M'étonnerait pas qu'on nous apprenne de ces quatre matins que la soupe de Capelle, c'était de la soupe magée. Moi, c'est bien simple. Quand je vois ces conférenciers qui mettent leur lorgnon, je me dis, ça ne va pas rater. En voilà un qui va nous apprendre que le 24 janvier, c'est une légende. De sorte que quand il a fini, ben, je suis tout soulagé d'apprendre que le canton de Vaud existe encore, même au point de vue historique. Je vous comprends. Il est toujours dur de se débarrasser de vieilles images sympathiques. Seulement, ce n'est pas la faute des historiens si ces images étaient inexactes. Inexactes? Ben, qu'est-ce que ça peut bien nous foutre à nous? On ne veut pas y aller voir, pas plus que les professeurs, malgré tout. Alors moi, je dis que l'histoire, c'est comme les contes de fées pour les gamins. Ça doit être d'abord joli, réconfortant et moral. Parfaitement. Et puis si c'est juste par-dessus le marché, eh ben tant mieux. Mais on est tout prêt à ne pas faire les difficiles. Et c'est pour ça que quand il y a les fêtes, je voudrais qu'on nous fasse pas des conférences, mais des discours avec des beaux mots, des phrases qui résonnent là, des périodes qui ronflent. Et puis des endroits pour applaudir, parfaitement. Des conférences, on en entend assez tout le long de l'année. Les fêtes, ça n'est pas fait pour s'instruire, c'est fait pour que tout le monde soit content. Et puis un discours, ben c'est comme une chanson. Tant pis pour les paroles, pourvu que la musique soit belle. Hein? Gardez! Et puisque personne n'applaudit, allons-y du second verset. Que la fermeté, la prudence guide toujours le magistrat. Dans ses mains, avec confiance, laissons les rênes de l'État. Libres, égaux, mais sans licence, n'ayons pas les tristes regrets d'avoir creusé par nos excès le tombeau de l'indépendance. Que dans ces lieux règne à jamais l'amour des lois, la liberté, la paix. Rapide dans ces lieux règne à jamais l'amour des lois, la liberté, la paix. Bonjour, d'autres. Bonjour. T'enlèves si c'est pas jaloux. Alors comme ça, te voilà débranlé du service. On dirait. Auriez-vous gagné? Je ne crois pas si bien dire. On a même pris Facebook. Moi, te voir. Il faut nous raconter ça. Achète-toi. Apporte un demi, la verre. Alors, comment ça s'est-il fait? Un matin, le colonel s'est dit, il faudrait bien dégourdir ses gagnants. Une idée, si on allait prendre Fribourg, ça le ferait toujours une petite promenade et puis ça amuserait ses autres. Et voilà comme quoi on s'est retrouvé un soir avec le paquetage au complet en route vers cette capitale. Un froid, mon pauvre syndic, que tu ne pouvais pas bouger un bras sans que ça fasse un bruit de vitre cassée. Le ciel avait bien allumé tous ses petits cigares, mais ça ne réchauffait pas tant. Et une marche, mon vieux, comme il s'en est pas beaucoup fait depuis le temps de Napoléon, hein, ça. Il y en avait qui regrettaient rudement leur petit trou dans la paille. Mais on est des soldats suisses, et des vouloirs pas dessus le marché ou quoi. en parant ou de la Syrie pendant la grande halte de minuit. Ils n'ont pas retrouvé la porte de sortie de l'auberge, on était bel et bien là, tous, contre le petit matin, quand ils nous ont disloqué pour le combat. Mais c'est que ces autres nous attendaient de pied ferme. Quelqu'un avait dû leur téléphoner que les Vaudois venaient. On entendait là ces sirènes piauler, ces types de la diapie qui repassaient le nuage avec leurs pinceaux à la lumière. Sur la droite, les canons du major Briquet qui commençaient à ferrailler. Mes amis, celui qui n'a pas vu ça ne saura jamais ce que c'est que la guerre. L'autre section, elle était une équipe qui devait prendre la garde des CFF. Comme ça faisait du mi, on pourra toujours aller ferrailler à son buffet. Ah, tu penses, si on était servi, le sergent Bon a justement été homme d'équipe à la gare de Fribourg. Il connaissait les coins. On t'arrive par les voies de garage. Un bond en avant te bouscule tout. C'était la surprise complète. J'arrive devant le guichet au billet. Oh les mains que je fais au proposé. Oh les mains qui fait en se grattant derrière la casquette. Ma foi, vous devez vous tromper. Monsieur le militaire, nous ne tenons pas cette gare-là dans nos billets. Oh, je te jure qu'il y a eu à rigoler cette nuit de Fribourg. Après la gare, on était comme de juste laisser du mis de garde. Il y a un gaillard pour surveiller du nuit. Il y a un autre gaillard pour surveiller celui qui surveillait du nuit. Il y a un quatrième pour surveiller les trois rapports au buffet. Ils nous ont donné l'ordre de nettoyer la rue de Lausanne avec rendez-vous final autour du tilleul de Morat. À peine sur place, pan, pan, c'était des types de la garde locale qui s'étaient mis en tirailleur en travers la rue de Lausanne. Et boomerang, un pétard qui nous lâche là pour nous faire croire qu'ils avaient un canon. Mais pas si fou. On n'aurait pu ne même pas laisser là la bonne graine de Vaudois massacrée par ici, en biaise par une ruelle. Dis pas fait, pam, pam, voilà une autre bande qui nous ferraille compte. Oh là là, que fait le sergent Brun? Si José se rejambe, il va falloir exterminer sa propre main. Et donc feu le magasin, et refeu, puis bon en avant, et rebond. La ruelle était tout sang devant derrière. Il y avait une bourgeoise qui gueulait du cinquième. Tant de vous rien, voulez-vous des guerpilles par là? Sans quoi je vous lâche mon pot de fleurs. Ou la fleur, passe encore, mais le pot. Et tout à coup, là, le caporal Massy qui se met à gueuler. Au secours par ici! Il y en a un qui me tire la jambe par un criblet. Penses-tu? C'était lui qui s'était enfilé la pioche dans le criblet et qui ne trouvait pas la façon pour la sortie. Oh, ben, ça lui a perdu un petit moment, mais entre-temps, les autres c'était raisonné. Et tout d'un coup, on entend une voix dans là qui expliquait « Brouillez la soupe, tas de miolus. Vous ne voyez pas qu'on est des Vaudois de la 5 comme vous ?» On se voit, c'était l'aile droite de la section qui nous avait pris pour des zones. Alors on s'est assis un bocon sur le pas de la porte pour prendre les 5 heures, pour ainsi dire, avant de recommencer l'ouvrage. Quand s'amène un drôle de fantôme dans le noir et une petite voix timide qui disait « Dites-moi, messieurs, y a-t-il des blessés par ici? J'ai entendu qu'on tirait. » Si c'est des blessés de la soif dont vous voulez parler, mademoiselle, on est bien assez les uns les autres, que fait pas la débarrucelle. On s'approche pour voir. C'était une bouée de complémentaire, elle a mis son masque à gaz. Oh, dites-moi, mademoiselle, sans vouloir vous faire affront, c'est pas tant poli de votre part de mettre votre masque à gaz pour parler à des vaudois. Passe encore si vous étiez dans une chambrée de Valaisan. Ah, et puis comme ça, vous vous occupez des blessés. C'est bien dommage qu'on ait rien de cassé. On aurait du plaisir à vous suivre. Et même sans ça, lâche cette grande gigue de Rocha, ça nous ferait rien de voir une fois le fribourgeoise de près. Vous devriez nous montrer ça, mademoiselle. Ôtez-moi cette trempe qu'on puisse regarder dans les yeux. La voilà qui ôte son masque. Oh là là là là, c'est une vieille toute défaçonnée qu'on avait une fois changé les yeux de place et qui cherchait à camber de nouveau le nez. Oh, comme ça, merci madame, on l'a assez vu. Remettez-moi seulement votre masque, vous seriez dans le cas de prendre froid, qu'a fait Rocha. Pendant ce temps, le sergent Brun gueulait naturellement comme un sourd. Voulez-vous vous bouger, tant de cercueil que vous êtes, avec des femmes comme vous, ce fribourg peut nous échapper. Bref, on descend la ruelle, on rentre dans la rue de Lausanne, et quoi? Il se trouve que par cette manœuvre, on avait pris les gaillards de la garde locale, que j'avais dit, pas derrière. Allez, allez, debout les dozets, qu'on le crie, vous êtes foutus. On est des parachutistes vaudois, la retraite est coupée, il n'y a plus rien à faire. Oh, alors si c'est comme ça qu'ils ont fait, on n'était déjà pas tant content d'être parlant, ce rien. Même si c'était un effet de votre bonté de nous débarrasser de ces flingues. Ça nous a fait comme ça une vingtaine de prisonniers qu'on a ramenés tout glorieux à ce tilleul de Morat. Mais en passant, on a vu une triste scène. Un officier de la DAP qui engueule un individu. Voulez-vous savoir ce que j'écris dans ce carnet? Eh bien, c'est 48 heures de clou pour avoir quitté votre poste sans ordre. Mais que protestait le gaillard? Je croyais que la pièce était bel et bien finie. Je ne voyais plus personne dans le quartier. Rien de ça. Vous étiez pointé comme mort, vous deviez attendre que les bancardiers aient passé. C'est en règle, mon lieutenant, mais si vous y avez été à ma place, vous voyez, c'est agréable d'être mort par ce froid. Bref, ils étaient déjà tous là quand on y arrive au tilleul. Alors on a demandé, ce fribourg, serait-il déjà pris? Il y a une bonne demi-heure, tant de lambins que vous êtes. Et puis, ça n'a pas été long qu'il nous a raconté quand ils nous ont vu, la 3 du 8 qui commence à décrocher le pont suspendu, ils se sont dépêchés d'apporter les clés de la ville. C'est le fils au Jacques des petits boitons qu'on retrouvait là. Il y avait un drôle de paquet là, guillé sur son paquetage. Dis-moi Ernest, aurais-tu fait du butin? Il a demandé quelqu'un que t'as une drôle de bosse sur ton paquetage. Oh, what qu'il a fait! C'est un vacherin que j'ai trouvé acheté pendant un assaut. Oh, et alors là-dessus, qu'avez-vous fait? Oh ben, la ville prise a été se coucher. Les autres jeunes avaient préparé de bonnes chambres chauffées avec des draps, s'il vous plaît. On n'en avait plus seulement tant bien comme entrer dedans depuis le temps qu'on piotait dans la paille. Et puis c'était comme ça tous les soirs, le colonel est venu nous border dans nos lits, nous a tous embrassés, donné une petite gâterie, en s'en allant, il nous a encore dit « Je suis heureux demain content de vous, enfant de vous, et si vous êtes d'accord demain, on se rend mort de poil y prendre berne. » Oh, on va savoir. Eh ben bravo, c'était une épopée épique, ça, dis-donc. Oh, mais je fais tard. Va falloir rentrer, dis-donc. Alors, salut Jean-Louis, hein? Salut Saint-Luc! Un samedi à 15! À la même heure! Thank you. Bonsoir tout le monde. Eh bien, on est mieux dedans que dehors. Ouais, cette neige s'attire tout le mouillon à l'extérieur. En dedans, on est sec comme des bruisselets. Enfin, demi. Pas Dieu, recommencement à tout. Ah, dites-moi, Réjard, n'est-ce pas aujourd'hui la fermeture du concours pour le poste de garde champêtre? Oui, c'était ce soir. Alors, vous avez ouvert les papiers? Pas besoin, il y en a qu'un. J'arrête, j'en étais sûr. Paris, que c'est le loulou des paquets. Juste, et c'est un charmant garçon. Oh, pas tant que ça. D'abord, je me demande des fois s'il ne boit pas un peu. Qu'en dites-tu, caviste? Que non, oh, bien sûr qu'il n'est pas tempérant. Il boit son verre par-ci, par-là. Mais je l'ai même jamais vu branler. Mais c'est justement ce qui m'inquiète. Ces gaillards qui se tiennent toujours en équilibre à mi-vin en gardant juste la place pour respirer. Comme disait l'autre, il ne boit jamais plus de deux bouteilles à la fois. La première est deux ou trois secondes. Et puis moi, je trouve que ça lui frotte. Il est déjà marié, huissier de la justice de paix, concierge du hangar des ports. Préposé au sulfate. Agent de police. Sous-chef de la garde locale, garde vigne en automne, avec encore deux ou trois places moins importantes. Ça finit par chiffrer. Combien? Ben, m'étonnerait pas qu'il se fasse dans les 300, 350. Par mois? Comme vous y allez, vous. Par année. Oh, alors, si c'est que ça, le risque n'est pas tant grand. Ouais, mais c'est une question de principe. Depuis le temps qu'on crie contre le cumul, je trouve que ça serait le moment de commencer par un bout. Eh bien, moi, je trouve que c'est une excellente candidature. D'abord, parce qu'il a un plantage. Et alors? Ben, j'aime les gardes champêtres qui ont un plantage. C'est rassurant. Tenez, où j'étais avant de venir ici? J'avais un jardin avec, entre autres, un magnifique carreau de fraises. Mais tout disparaissait à mesure. Il aurait fallu que je cueille mes fruits verts et mes salades parfumées pour en avoir un peu pour moi. Naturellement, je surveillais les gamins, je faisais des rondes, rien de fait. Un beau matin, je vais au jardin, plus une fraise, ratiboisée. Mais alors, demain de maître. Et comme j'en avais tout de même assez de ces histoires, je vais chez le garde champêtre, un petit vieux roublard, l'erreur des gosses, et toujours en route. Je lui raconte la chose et je lui dis... Vous comprenez, c'est ennuyeux à la fin, ces fraises, j'en avais bien 3 kilos. 3 kilos, qu'il me répond. Il y en avait 4 kilos 5. Ça fait que vous avez arrêté de surveiller les gamins. Oui, alors je comprends que vous préfériez un garde champêtre qui ait ses fraises à lui. Et comment ça a-t-il fini? Ah, comme ça pouvait. Heureusement que ce gaillard se faisait un peu vieux. Ce qui fait qu'un beau jour, il s'est trompé. Et il s'est fait pincer en train de marauder des noix sur le territoire de la commune voisine. Oh Dieu! Et comme je vous dis, pincé par son collègue qui lui a mijoté un de ses rapports bien chaud. Oui, ce qui fait qu'il a été liquidé. Naturellement. Forcément. Et c'est toujours triste de saquer un vieux pour des peccadilles. Mais quand on n'est plus capable de reconnaître les limites du territoire de la commune, pas moche de rester garde-champêtre. Mais dis donc, syndic, au fond, qu'est-ce que tu lui reproches au loulou? Mais je ne lui reproche rien. Il me fait un peu peur. Tenez, je vous garantis que le jour où on le nomme, il est capable de vous ramasser deux ou trois fois plus de taupes que le précédent. Et alors? Alors? On voit que vous ne savez pas ce que c'est que de gérer les biens d'une commune. Et les dépenses, alors? Causait justement avec le docteur qui passait avant-hier. C'est décourageant. Ah, il connaît les finances de la commune, le docteur? Bien sûr que non. Mais de le voir aller et venir chez Lisaline du coin, je me disais que ça allait faire une puissante tambeille. Lisaline, elle n'a point d'héritier direct. Ça va tout aller à des neveux. Et comme droit de mutation, ça graine. Eh bien, Bernique... Paraît qu'elle a des sortes de rhumatismes qui en serviraient plutôt. 10 ans qu'elle peut tenir encore. Tant que ça? Tant que ça. Alors moi qui comptais un peu là-dessus pour les réparations du collège, Bernique, va falloir prendre sur le budget. Alors c'est pas le moment de pousser à la dépense. Oh par Dieu, non. Sans compter qu'avec ses taupiers trop habiles, faut encore se méfier. J'en ai connu un qui travaillait pour 3 communes du district. Et il va faire des récoltes extraordinaires. C'était des 200 et 300 queues qu'il rapportait à la fin de chaque saison. Du train dont ça allait, il était en route pour prêter à la commune. avec sa naturelle main, un gloriole qu'il n'y en avait que pour lui, surtout depuis que les journaux de Lausanne en avaient parlé avec des louanges et des félicitations, n'en plus fini. Oh, alors si les papiers en causaient, je pense bien qu'il devait bomber le torse, pense-toi. Enfin, bref, ça fait qu'un beau jour, le syndic de Rutinge, qui était tout de même un peu éberlué, ça va chez le gaillard. 11h, il entre direct. Qu'est-ce qu'il trouve? Manteau pied bien installé sur un tabouret. Devant lui, un pot de lit nu, un sang de lacets de souliers et des poils de taupe plein fleuriers, comme quand on charpille du grain de matelas. Pas possible. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des taupes. Quand il en avait ramassé une, hardi petit, la plumait. Et avec ses lacets de souliers et son lit nu, il en sortait 10 à 15 queues qu'il allait tout triomphant porter à la préfecture où la demoiselle qui tient le bureau n'y voyait que du feu. Et ben nous, quand on était gosse, on était plus malin que ça. C'était le temps où on était infesté de guêpes. Alors la municipalité avait décidé de donner un sou panier de guêpes qu'on y rapporterait. Un sou, tonnerre. Vous pensez bien que si nous, les gamins, on s'était mis en chasse. Ah, un sou, diable. C'est qu'on envoyait pas tant et un gamin. Et puis qu'on en achetait du commerce avec un sou. Autant qu'avec un franc de nos jours. Un puissant bâton de jus. Et des brisures. Et de la cassonade quand on léchait ce papier jusqu'à y faire le trou. Alors vous pensez bien que depuis l'affaire des guêpes, les gosses du village transpiraient l'argent. L'épicière avait dû renouveler ses stocks. On était plus foutu de trouver un gamin qui n'ait pas la bouche pleine. Vous en ramassiez tant que ça, Ceni? Oui et non. C'est-à-dire qu'il faut s'entendre. On devait les porter au boursier. Et puis lui devait les brûler. Mais naturellement qu'il ne les brûlait pas, hein? Il leur versait du liquide pour tuer les bêtes ou les œufs, et puis il en faisait un tas dans sa remise. Ça fait que vous n'aviez pas été long à découvrir le tas. Pardine. On n'avait qu'à se servir à chacun son tour, ce qui fait que chaque nid, on le lui avait bien vendu une dizaine de fois. Oui, mais où ça s'est gâté, c'est quand notre tardier de boursier a voulu se décider à faire la plan B. Il va remuer dans sa remise, puis bien sûr qu'il ne trouve à ramasser que 10 ou 12 crouilles de nid, qu'on n'avait pas encore eu le temps d'aller repercher. Quelle turlée, mes amis. Le syndic nous a convoqués, le régent nous a remonté la pendule, le pasteur y est allé d'une refente à l'école du dimanche. Enfin bref, on a bien compris qu'on avait mangé du jus et de la cassonade pour le restant de nos jours. Et je suppose que le boursier a pris ses précautions. Ah ben je vous en garantis qu'il les a prises, même trop. Il habitait une maison adossée contre le vallon. Puis derrière la carrée, il y avait une galerie en bois, avec le petit endroit au bout. Ça fait que le boursier, oh, je le vois toujours, il passe une nid, les jette dans le petit endroit nous criant « Vermine !» Je m'étonne si vous viendrez les chercher jusque-là. Bon, qu'on se dit. Seulement, on avait tellement reçu de tripotées, de serments et de taux, qu'il restait à nous venger. Ça fait qu'un soir, le plus rosse de nous, on lui disait carotte en rapport à ses cheveux rouges, se ramène avec un paquet louche enveloppé dans des puissantes feuilles de rhubarbe. En faisant son mystérieux, il nous rassemble dans un coin, et le voilà qui nous montre dans le paquet un magnifique nid de guêpe. Plein craqué. Et puis bien vivante, je vous garantis. Nous, on attendait toujours. Alors, il nous fait signe. On descend avec lui au fond du vallon. Et le voilà qui enlève ses souliers, qui grimpe par derrière la maison du boursier, se glisse sur la galerie. Et ouste, le nid avec les guêpes vivantes, droit dans le petit endroit. Quelques jours après, on voyait le boursier qui marchait à travers le village, avait une démarche de demoiselle de la ville. Il ne s'asseyait plus que sur un tout petit bout de fesse. Et puis il nous faisait de ses yeux qu'on aurait passé au travers si on ne s'était pas retenu. Seulement à l'éprouver quoi que ce soit. À l'éprouver, d'autant qu'il avait reçu l'ordre de les brûler, les nids. Ça fait qu'il était en faute. En tout cas, ce nid-là, on ne nous l'a pas payé, mais je vous parie que le boursier, tout grappeniste qu'il était, il aurait préféré le payer de sa poche que de l'endurer comme il a dû le faire. Surtout que pendant un paire de jours, jusqu'à ce qu'il soit sûr que les bêtes étaient mortes, le boursier et sa femme vivaient sous des épines. C'est le cas de le dire. Et qu'on les voyait rôder au bord du ruisseau à la tombée de la nuit, à la recherche d'un coin sans ortille. Ah, quel couillera ça peut avoir les gamins que ça s'y met. Bon, oui, si on veut. Mais c'était quand même le bon temps, hein? Ah, pardieu, ça vaut être loin tout ça. Ça nous tient comme si on y était. Ah, ça, oui. Dites-moi, Régent, est-ce qu'on n'apprend pas à l'école à Charles là-dessus? Sur les guêpes? Non, sur les souvenirs d'enfants, c'est pas... Ah, mais oui! Alors, est-ce qu'on y va d'un verset? Hein? Si on veut. Allez, vas-y, ça. Quand nous étions petits enfants, pour chicaner grand-mère, nous lui cachions de temps en temps sa grosse tabatière. Ils sont doux, au cœur lassé, les souvenirs du temps passé. Le soir d'hiver au coin du feu, où s'asseyait grand-père, nous écoutions d'un air joyeux ces vieux récits de guerre. Ils sont doux, au cœur lassé, les souvenirs du temps passé. Aïe, aïe, aïe, aïe, veux-tu venir ou veux-tu pas venir ce demi? Ou bien faudra-t-il aller le chercher par les oreilles, hein? Ah, te voilà. Mentez, c'était pourtant petit ces demi. On ne pourra pas dire qu'ils ont tant grandi cet hiver. Oh, un peu. Non, mais regarde-moi voir ces verres, caviste. Deux grains et un peu de chaud. C'est-il peut-être qu'on aurait moins soif les uns que les autres? Rien de ça, patron. Dépêche-toi de nous changer ces ustensiles, hein? C'est tous égaux tant qu'on est, devant la loi et devant le boire, par Jean. Ou bien aurait-on cessé des fois d'être en démocratie? Ça y est. Hardi. En avant la démocratie. Sacré syndic. Fallait bien qu'il te la pour encore là-dedans. Comme s'il en avait déjà passé mis dans ses spitzes du 24 janvier. Alors quoi, dit Caviste? On n'aurait même plus le droit d'en parler, de la démocratie? Voyez-vous ça? Oh, on m'avait bien dit que depuis ta dernière coupe de cheveux, tu avais glissé d'un rien du côté des frontistes. Ça se voit rudement, ma foi. Wow, c'est pas ça. Ce qui m'énerve, c'est ce mot de démocratie qui commence à tout savoir au bec. Et quand je dis au bec, que ça leur sort par tous les trous comme l'odeur d'ail après la pendue, sans savoir seulement ce que la chose signifie. Allons là, sérieusement, ça dit. T'as soif seulement de me dire ce que c'est que cette démocratie. Oh, elle est pas mauvaise, celle-là. On ne saurait pas ce que c'est que la démocratie, des Vaudois comme on est. Tais-toi. Au moins ne va pas raconter ça aux cavistes de la radio, ils seraient capables d'en faire une maladie. Un Vaudois qui ne s'assaurait pas? Eh bien, il devrait courir à Languenau pour dire aux Bernois qu'ils ne savent pas manger les pommes de terre, là. La démocratie, tu veux que je te dise? Eh bien, c'est comme cette reine de France qui disait qu'on y trouverait le nom de je ne sais plus quel village gravé sur le cœur. Si tu dépeçais un Vaudois sur le cœur, quel mot que tu trouverais, hein? Démocratie, ni plus ni moins. Oh là, long comme il est, ce mot, ben il en ferait joliment le tour, ma foi. D'ailleurs, tout ça ne m'explique pas si tu sais ou non ce que c'est. Vous êtes un rude temps de gaillard parce qu'un temps qui me font penser au taupier des Sertines. Taupier des Sertines? Que faisait-il, celui-là? Eh bien, voilà. Il était venu aveugle de naissance et la municipalité l'avait mis taupier sous prétexte que les taupes étaient aveugles autant que lui. Comme ça, ils se reconnaîtraient mieux entre eux. Alors, voyons, caviste, tâche voir d'être une minute sérieux, hein? Étant des démocrates, toi et moi, et tous, ou quoi? Eh bien, je dis-moi que la démocratie, c'est ça. C'est ce qu'on est, qu'on ne veut pas changer. Là, pas vrai, monsieur le régent? Mon Dieu, je ne dis pas non, monsieur le syndic, encore que ma foi. Enfin, d'autre part, monsieur le caviste a raison dans un sens quand il dit que c'est... Mais à tout prendre, Non, monsieur le régent, ne brouillez-vous pas dans les chevaux. Dites-nous voir un peu comment vous s'expliquez aux gamins. Mon Dieu, messieurs, je leur enseigne naturellement que la démocratie est un régime. Oui, parfaitement, un régime dans lequel chaque citoyen jouit de droits égaux, et notamment du droit de voter les lois, d'élire ses autorités, et ma foi, de briguer pour lui-même les honneurs du pouvoir, autrement dit... Mais dites-le seulement qu'on serait tous bons pour devenir conseiller d'État si on voulait. Heureusement encore qu'on ne veut pas. Parfaitement, monsieur le syndic. Et finalement, que ce régime est le plus beau de tous parce qu'il repose, messieurs, sur le culte de la vertu dans la liberté. Chouette. Eh bien, voilà qui est envoyé. Et que c'est tout juste ce que je pense. Autrement dit qu'il n'y a pas un seul vaudois qui oserait avoir le toupet de se dire démocrate. Alors, alors, caviste, ne faut pas trop prendre ces homélies au sérieux. Évidemment que pour le culte de la vertu, on ne peut pas dire, et pourtant, quand on y pense, on pourrait déjà être rudement plus schnappant. Comprenez ? Quand on est à boire, que voulez-vous ? On peut pourtant pas tenir tout le temps l'œil sur le niveau. Ça finirait par être fatigant. Pour de ça, on ne peut pas dire non plus qu'on fasse le mal jour et nuit. Il n'y a qu'à voir l'ancien grand champêtre. Pour une petite amende qu'il avait réussi à planquer à la mère Germont pour ses poules qui divaguaient, il a fait 3 jours de ribes. J'étais jamais vu un pareil effet. Et toi-même, on ne peut pourtant pas dire que tu sois un chenouille fini. Dans tes petits écorts de 7 ans 14 comme les autres, bien sûr. Et tout ça veut déjà s'arranger le jour de ton enterrement. Quoi-tu? Mais la démocratie, c'est rue de Bajoli quand on y passe, d'accord. Ben tout le mal, c'est qu'il faut s'affaire avec des démocrates. Quand vous dites démocratie, vous pensez bien aux droits des autres. Mais quand vous dites démocrate, vous ne pensez plus qu'à vos petits droits personnels. Démocratie, c'est un pour tous. Démocrate, c'est tous pour un. Ben, voyez-vous ce caviste comme il y va. Eh bien, c'est comme ça. Voilà mon idée et je la partage. Je suis comme je suis pour la démocratie. Contre les démocrates, arrangez ça comme vous voudrez. Et oh, caviste, tu es rudement gringe ce soir. Raconte-nous voir ce qui t'en fait, ces démocrates. T'aurais-il par hasard oublié d'aller crier en faisant une liste? Une liste de quoi? C'est pas moi. Pour le Conseil d'État. Dis tout de suite pour les inspecteurs des viandes. Eh bien, ça indique si tu veux tout savoir, voilà. Il m'avait mis à la commission de la grêle. C'était pas d'orgueil pour une fois qu'il s'était rappelé de moi. Ils me mettent dans la commission de la grêle. Et pour une fois que j'étais de quelque chose, a-t-il pas fallu qu'il ne tombe pas une miette de grêle? Mais pas ça pendant toute l'année. Pas le moindre émolument à toucher. Après ça, tu peux penser ce que tu veux de la démocratie. Tant pis pour elle, elle n'avait qu'à s'arranger. Oh, c'était ça. Eh bien, vois-tu, caviste, il faut te consoler. Ils te trouveront autre chose. Tu parlais d'inspecteur des viandes. Ben justement, ils en cherchent un dans le district pour les jours sans viande. À moins que je me décide à postuler pour garde champêtre. Ah. Eh bien, ça y est, tu n'as qu'à dire autonome. Par acclamation. Qu'il vive, qu'il vive et soit heureux. Ce sont là nos feux. Et nous allons voir à ça, et nous allons voir à ça, et nous allons voir à sa santé. Passionnera. Dites donc, pour en venir aux farces, il me semble que quand les grandes personnes veulent se mettre à en faire, elles y mettent autant de malignité que les enfants. Des farces? Il y a longtemps qu'on n'en fait plus. En êtes-vous si sûr que ça? À notre âge, au passé. Moi, j'ai entendu parler d'une aventure qui était arrivée dans ce village à certains contrôleurs de l'assurance incendie. Oui. Je crois que ça valait les nids de guêpes, tout compte fait. Ah, ouais. Je vois de quoi vous parlez. Par Dieu, de la foi que le géomètre. Juste. Mais on doit vous avoir mal renseigné, Richard. Il n'y a pas eu la moindre farce. Pas la moindre, qu'on vous dit. Ça n'est tout de même pas notre faute s'il était myope, comme une sorcière en train de se regarder dans la glace. Pourtant, il ne l'a pas volée, celle qui lui est arrivée. Figurez-vous un grand galapia avec un col à brisure, des guêtres et tout à l'avenant. Prétentieux qu'on n'y voyait que le cou. Et les oreilles qui retenaient sa tubette. Bon, voilà-t-il pas comment Gaillard vient nous prétendre que nos formulaires d'assurance étaient mal remplis. Que son prédécesseur y comprenait rien et qu'on échappe à la taxe, pis ça. Ouais, ouais, et avec de ses heures. Vous comprenez, je suis géomètre, qu'il disait. Dans son idée, ça expliquait tout. En tout cas, le voilà qui se met en tête de tous les refaire, ses formulaires. Et en augmentant les taxes. Comme de bien entendu. Ouais. D'autres que nous se seraient fâchés. Non pas. On lui a dit, Monsieur le géomètre, vous êtes plus compétent que nous. Que rien que d'entendre ça, il commence à faire son ronron. Si nous, on n'est pas en règle, c'est bien contre notre volonté. Vous comprenez, celui qui est venu avant vous n'avait pas vos capacités. À ce moment, il a dû essuyer ses lorgnons qui devenaient tout troubles à cause de l'émotion. Bref, qu'on lui fait, savez-vous ce qu'on va faire? Vous viendrez un jour avec vos papiers, votre serviette et tout le tremblement, et on s'en remplira, ça. Ouais, comme ça, en cas de doute, on sera sur place pour les vérifications. Voilà mon homme tout content et qui s'amène à vos matins. Va aller voir comment tu l'as reçu. Mes amis, le premier chez qui il va, c'est le caviste. Comme de juste. Alors on cause. Et puis tout à cause, en forcément, on boit un verre de verre. On s'est rude, bien entendu. En une heure, ce formulaire était poussé jusqu'au fin bord avec des chiffres dans toutes les colonnes. Trois verres de l'amitié pour finir, et puis on le renvoie chez le gut. Oui, parce que le gut n'est pas tant de nain. La serrure de sa cave grince, et il a peur de gêner les voisins en faisant du bruit. Alors on s'est dit comme ça que pour ne pas trop fatiguer ce pauvre géomètre, fallait lui accorder un peu de repos, hein. Surtout que ça lui donnerait confiance. Ouais, ouais. Parce qu'après... C'est chez le syndic qu'il allait. Moi, je n'étais pas là. Ça fait que je ne sais pas comment ça a commencé. Il a un peu causé avec la patronne. Oh, je l'entends, ta femme, dit, avec son air de porteuse de miel. Et mon Dieu, qu'elle lui aura dit. Ce que mon homme s'est fait de soucis depuis votre dernière visite. Ça n'est pas grave, moi. Vous savez, mon homme, c'est un consciencieux. La moindre peccadille qui n'endort pas. Et il se rongeait d'avoir pu vous occasionner tant de travail à vous, un géomètre. Vous reprenez un petit verre, voyons. C'est que vous devez en avoir du travail dans votre métier. Et puis du travail difficile, je pense. La tête doit donner du matin au soir. Nous, les paysans, on se sent petits. Bref, que de fil en aiguille, mon géomètre tout grommillant de vanité rentré a bu deux ou trois verres de prune. Allez-y, monsieur le géomètre, allez-y. C'est du tout bon pour l'estomac. Et que ça réchauffe avec ses brouillards. Oh que je ne sais pas ce que mon mari attend pour rentrer. Ça fait que quand je suis arrivé, comme si de rien n'était, mon préposé était en équilibre entre la gloriole et le mal au cœur. J'ai fait ça basculer en un trouble à une. Et puis rincette comme de juste. Et dîner. Et café. Pousse café. À 2 heures, il me disait loulou. À 3 heures, chez l'Alcide, il grimpait sur la table pour nous faire un discours. Il était tellement embrillé qu'on commence à se dire, mon Dieu, pourvu qu'il ne lui arrive pas malheur. Un faux pas, c'est vite fait. Par Dieu, on le retenait tant que ça pouvait, mais allez-y. Il trinquait à gauche, il tutoyait à droite, portait des toasts. Faisait des schmolitz. À la tombée de la nuit, on était la moitié du village à lui rôder après de cave en cave. Et un homme pondéré, je vous garantis. Tous les jours, il avait sa serviette. Chaque fois qu'on arrivait dans une cave, il mettait son lorgnon. On repartait, il reprenait sa serviette. Du méticuleux et tout. Ça nous rassurait, parce qu'on se disait, un homme qui attend de sang froid, rien ne lui pourra. Il aura un peu mal à la tête demain matin, puis fini. Oui, et puis c'est bien comme ça que ça allait finir. Malheureusement, la dernière cave qu'on a faite, c'était celle à Loyon. On sortait, on était sur la porte, là, se faire des mamours, et à la prochaine, et on est content de vous voir. À chaque simagré, le géomètre reculait d'un pas. Question de tenir l'équilibre, probable. Mais on n'a jamais su. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que brusquement, le voilà qui part, les jambes en l'air, serviette, tubette, lorgnon et tout, en plein dans la fosse à purée ou l'oignon. Il se trouvait que le domestique avait oublié de remettre la planche, ce qui fait que le trou était béant à 3 mètres de la porte du pressoir. Avec ces domestiques, il faut s'attendre à tout. Oh, ce qu'on a pu rire. C'est qu'on a pu rire. Tu te souviens quand on l'a eu ressorti qu'il était en train de vider sa serviette remplie de liquide. Et les formulaires qu'on aurait dit une éponge. Ça fait que vous voyez, Réjean, si on vous a parlé de farce, c'est quelqu'un de malveillant. Exactement. Un hasard que c'était. Un hasard malheureux, bien sûr, parce que ce géomètre, il n'était pas méchant. Bon. Bien sûr que non. Et la preuve, c'est qu'on n'en est plus jamais entendu parler. Dès le lendemain matin, il s'est convaincu que nos anciennes polices étaient juste correctes et suffisantes et tout. Oh, tonnerre de l'oignon avec sa fosse tout de même. Grénant de sang, grénant de sang, que de rire on a fait. Eh bien, messieurs, je crois que si nous ne voulons pas tomber dans la fosse sous l'oignon... Oh, il n'ouvre que pour les grands jours. Ça n'empêche que le raisin a raison, c'est l'heure. Bonsoir tout le monde, et dans 15 jours, à la même heure. Dans le local des pompes. Oui, t'avais lâché des quintaux de gaz. De ce gaz à la morbo crépine, comme ils disent, de quoi faire crever tout l'environnement sans s'arrêter. Et puis alors? Ah ben, tu m'en croiras si tu veux. C'est rudement au point, ces inventions modernes. On respirerait aussi bien là-dedans que les dimanches soirs qu'on passe en verre sous la tonnelle du Léman. Oh. Au point qu'à la sortie. Il y en a qui se sont bien chinés là-dedans. Autre gaz que faisait Bovard. Il en faudrait 10 fois comme ça pour chatouiller les nez de l'aveu. Avec le 41, on a déjà vu pire. Un autre ci, un autre ça. Puis alors, bref, ils nous ont licenciés. On s'est tous retrouvés au café de la place à commenter l'affaire. Pour la solde au moins que disait Pinceau, pour aujourd'hui, on sait que c'est du gaz. Quand cette charrette d'adjudant, là, nous te lance 2 cartouches de gaz en plein café. Oh, malheureux. En moins d'une seconde, t'aurais dû voir ce café pleurer, comme si le receveur venait de mourir, jusqu'au portrait de Ruchonnet qui se mettait à pleurer dans son cadre, et ramé vers la porte. Les masques, tu parles. On se serait vendu sur place, le temps seulement de les tirer du sac. On y allait comme on pouvait. Que pêcher du coin, même passer la tête à travers une vitre pour être plus vite dehors. Enfin quoi, je vous dis qu'il a fallu du temps pour se consoler. Jusqu'à minuit, on te pleurait encore dans une demi. Le café en café. On avait à peine les yeux en ordre quand on est rentré chez nos femmes. Et montez, montez, comme te voilà rangé, ma pauvre Aloïs, que faisait l'Amélie. Que tu, ma pauvre. Je lui ai répondu. On s'est tellement ennuyé de nos femmes à ce service que de tout le soir, on n'a pas encore pu se consoler. Et à propos de s'ennuyer de nos femmes, hein, ça nous ramène à la course de la cagnotte. Où va-t-on? Oh, après tout, rien ne presse. Dites voir. Avant de s'affixer, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'envoyer nos bourgeoises à Lausanne un après-midi? Après tout. Ce serait une idée. Et puis comment ça, elle se débrouillerait toute seule? Elle n'aurait pas les inconvénients qu'on disait pour le cas qu'elle devrait venir avec nous. Juste, ça les sortirait. Parfaitement. Ah bon, on va leur en causer, hein. Comme ça, elles seront contentes. Elles auront eu leur course. Et nous, on pourra recauser de la nôtre après. Dans 15 jours. À la même heure. Thank you.